paraîtra la divine Hélène, fille de Léda, Calcas, son berger, montrera la reine en disant « Voilà !» Puisque Vénus l'ordonne. Calcas ! Grande reine ! Quel est ce beau jeune homme ? Un étranger. Je ne sais dans quel rang le hasard l'a placé, mais je sais que son front est brillant de génie et que jamais plus fier visage n'a passé dans le rêve éclatant d'une reine endormie. Sa profession ? Berger. Berger ? Il me l'a dit, du moins. Bienheureuses les bergères, si ce n'est qu'un berger. Laisse-nous, bon Calcas, je vais l'interroger. Puisque Vénus l'ordonne, c'est la fatalité. Pourquoi suis-je troublée ainsi ? Je suis troublée comme s'il allait se passer quelque chose de fatal. La voilà donc, cette femme dont l'amour m'a été promis. Allons, allons, Vénus fait bien les choses. Merci, Vénus. Beau jeune homme. Princesse. N'es-tu vraiment qu'un mortel ? Les dieux parfois s'amusent à se présenter à nos yeux sous un déguisement. Je ne suis qu'un mortel. Pas possible. Et pas déguisé du tout, je vous assure. Un berger ? Un berger. Comment te trouves-tu ici ? On m'a dit qu'il allait y avoir un concours, je me suis fait inscrire et je suis venu dans l'espoir de me faire remarquer. Par ta beauté ? Par mon intelligence. Très beau de face. Voyons de profil. De trois quarts maintenant. Il est naïf, il a tout pour lui. Non, de trois quarts par ici. Lève un peu la tête. N'ouvre pas la bouche. Admirable ! Oh, Vénus ! C'est beau, un beau berger. Ferme la bouche. Mais je m'oublie à t'admirer. La cérémonie va commencer dans un instant. Reine, le cortège ! Il faut nous séparer. Je voudrais te revoir. Oh, vous me reverrez ? Reine, voici les rois qui viennent pour la cérémonie. Allons ceindre le diadème et remettre un peu de rouge sur mes cheveux. Elle a raison, ça se fait beaucoup à Sparte. Calcas, v'là le cortège à papa. Pli de vaillance, c'est les deux Ajax. Les deux Ajax, avec jactance, leur double thorax. Parmi le fracas immense des cuivres de Saxe. C'est roi, rempli de vaillance, pli de vaillance, c'est les deux Ajax. Les deux Ajax, c'est roi, rempli de vaillance, pli de vaillance, c'est les deux Ajax. C'est roi, rempli de vaillance, pli de vaillance, c'est les deux Ajax. Je suis le bouillant d'Achille, le bouillant d'Achille, le grand Myrmidon. Combattant un contre mille, grâce à mon plongeon. J'aurai l'esprit bien tranquille, net et mon talon. Je suis le bouillant d'Achille, le grand Myrmidon. Voici le bouillant d'Achille, le grand Myrmidon. Voici le bouillant d'Achille, le grand Myrmidon. Je suis, au fait, qu'est-ce que je suis donc ? L'époux. Je suis l'époux de la reine, époux de la reine, époux de la reine, le roi Ménélas. Je crains bien qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, je le dis tout bas. Ne me fasse de la peine, non, d'ici qu'on part. Je suis l'époux de la reine, époux de la reine, époux de la reine, le roi Ménélas, le Ménélas. Je suis l'époux de la reine, époux de la reine, le roi Ménélas. C'est le coup de la reine, le coup de la reine de la roi Ménélas. Le roi barbu qui s'avance, bu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon. Et ce nom seul me dispense, seul me dispense, seul me dispense d'en dire plus long. D'en dire plus long. J'en le dis assez, je pense, en disant mon nom. Le roi barbu qui s'avance, bu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon. Le roi barbu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon. Le roi barbu. La reine. Est ouverte. Rois et peuples de la Grèce, cette journée est spécialement consacrée aux choses de l'intelligence. Les rois, les poètes, les bergers, tous sont également admis à se disputer le prix. Le vainqueur recevra des mains de la reine une couronne de feuilles de pin. Et maintenant, disputez-vous là cette modeste et glorieuse couronne. Et vous, fanfares, sonnez pour l'éloquence du roi des rois, en attendant que vous sonniez pour le triomphe du lauréat. Musique! Bravo, papa, bravo! Bravo! Bravo! Jolie musique. La vôtre, Ménélas? Non, c'est une musique allemande que j'ai engagée pour la solennité. Nous commençons sans perdre une minute. C'est une charade. Roi Ménélas, veuillez en donner lecture. De grand cœur. Mon premier se donne aux malades. Se donne aux malades. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Oh, n'interrompez pas, voyons. Le... Vous savez ce que c'est? Par Dieu, oui. Ce n'est pas difficile. Se donne aux malades. C'est mauvais goût ce que vous dites. Et puis, ce n'est pas ça du tout. Reprenez, Roi Ménélas. Mon premier se donne aux malades. Mon deuxième, c'est vous ou moi. Le troisième de ma charade convient aux gens de qui l'emploie est d'aller, quand la nuit arrive, partout ramasser les haillons, les chiffons. Hot, hot, hot, hot, hot, hot. Eh bien hot. Oui, le troisième, c'est hot. Continuez, roi Ménélas. Mon quatrième est une rive où manque l'air absolument. Mon tout, par les chemins, s'en va comme le vent. J'ai dit. Eh bien... Allez-y, jeunes athlètes. Anecdotique. Emmailloté. Giblotte. Voyons, voyons, procédons par ordre. Qui est-ce qui a dit anecdotique? Moi. Moi, Ajax Ier. Comment expliquez-vous? Anne, d'abord. Eh bien, le roi Ménélas a dit, c'est vous ou moi. Il va un peu loin. Vous auriez peut-être raison s'il s'agissait de la deuxième syllabe, mais il s'agit de la première. Se donne aux malades. Pauvre homme. Passons à un autre. Qui a dit emmailloté? Moi, mais je le retire. Eh bien, si j'ai un conseil à donner à celui qui a dit giblotte, c'est d'en faire autant. Allons, à de plus malins. Eh bien, personne? Oh, lui! Quoi, reine? Regardez. Un berger? Que veux-tu, jeune berger? Dire le mot de la charade? Jeune présomptueux. Il est certain que cela serait d'un fâcheux exemple après que des rois parlent. Cependant, parle. Mon premier se donne aux malades, Locke. Oui, oui. Mon deuxième, c'est vous ou moi, homme. Oui, oui. Le troisième de ma charade convient aux gens de qui l'emploi est de ramasser les chiffons. Hot ! Tout le monde l'a dit. Je t'attends au quatrième. M'y voici. Il est bête, le quatrième, mais il n'est pas difficile. Une rive sans air, Yves. Loc, homme, hot, Yves. J'ai trouvé, chemin de fer, à moi la palme. Mais non, locomotive. Et c'est très fort d'avoir trouvé ça 4000 ans avant l'invention des chemins de fer. C'est moi qui l'ai trouvé. Achille, vous devenez insupportable. Taisez-vous. Le berger a gagné. Vainqueur. Il est vainqueur. Vainqueur. Oh. Vainqueur. Il est vainqueur. Ton nom, jeune vainqueur? Je le dirai plus tard. Et Paris, le fils du roi Priam. Paris! Au ciel, au ciel, au ciel, l'homme à la pomme, l'homme à la pomme, l'homme à la pomme. L'homme à la pomme, l'homme à la pomme, l'homme à la pomme, l'homme à la pomme, l'homme à la pomme, l'homme à la pomme au ciel, l'homme à la pomme au ciel, l'homme à la la la la la la pomme, la la la la la pomme au ciel, l'homme à la pomme au ciel, l'homme à la pomme, l'homme à la pomme au ciel. Avec chagrin, une sa noble main posez le vert laurier sur le front d'un vilain, sur le front d'un vilain. Couronnez-le, madame. Que dans nos royales demeures, nous aurons celui de vous voir. Nous dînons à cette heure, nous nous mettons à table à cette heure. Fille de Jupiter, je ne l'oublierai pas. Non, non, non, non, je ne l'oublierai pas. C'est la fatalité qui le met sur. Es-tu content? Je le serais bien davantage si ce monarque était absent. Si Ménélas était absent, si Ménélas était absent. Je vais arranger ça. Merci, mon bon Calcas. Philocome, à l'ouvrage. Oh.